J'avais une femme, une sacrée belle femme, mais maintenant je ne l'ai plus. Oh non, pauvre de moi. En jouant aux dames, on perd ou en gang, moi madame je l'ai perdu. Oh. Je devrais verser toutes les larmes du monde, mais je chante ma chanson. J'ai cherché partout un cœur aussi doux, mais je n'en ai point trouvé. Nicole Kidman, oh! Les filles sont belles, mais je m'ennuie d'elles, je ne peux pas l'oublier. Pas Nicole Kidman, ben non! C'était juste pour annoncer quelqu'un, une vedette. Mais moi, c'est plutôt... Je peux pas en choisir une. Parce que, premièrement, pas de refait sur mesure, là. Des gens dont l'originalité est de ne pas se faire reprendre aucun trait du visage. Le naturel tourne et court au galop. Je devrais verser toute l'arme du monde, mais je chante ma chanson. Hey, t'as-tu bon? Non, je l'ai pas dit. On y va. J'ai cherché partout un cœur aussi doux, mais je n'en ai point trouvé. Oh, peut-être. Les filles sont belles, mais je m'ennuie d'elles. Je ne peux pas l'oublier. Oh, ça sent les pleurs. Je devrais verser toute l'arme du monde, mais je chante ma chanson. Julio? Oui. Mon Julio, t'es en pleine forme. Merci beaucoup. T'as les cordes vocales passablement sensibles. Oui. Mais ta bouche. Oui. Et ta langue. Oui. Qu'est-ce qu'elle a, ma langue? Qu'est-ce qu'elle a, ta langue? Qu'est-ce qu'elle a, notre langue? On va dire au public que les vrais mots, c'est « Je devrais verser toutes les larmes du monde, mais je chante ma chanson. » Ils ont compris, c'est pas des idiots. Dostoïevski. Non, toi, t'es pas cultivé, tu sens toujours tes vieilles phrases déjà préparées d'avance. Ben oui, mais c'est toujours meilleur quand c'est préparé d'avance. Je devrais verser toutes les larmes du monde, mais je chante ma chanson. Me suis mis à boire, je suis parti voir tous les pays étrangers. Mais autour du monde, y avait pas une blonde comme celle que j'avais quittée. Je devrais verser toutes les larmes du monde, mais je chante ma chanson. Attends un petit peu. On peut faire un arrêt sur image? Comme tu veux. Un arrêt sonore? Ben là, non, parce que c'est un peu compliqué. Monsieur Marcoux m'a déjà dit, celui qui est le grand directeur de la musicalité sonore. Ben j'espère que c'est sonore, ta musicalité. Oui, mais c'est KRL. Oh, ben oui, mais que ce soit partout, la musicalité est sonore. T'es fort. Merci. Alors, je devrais verser toutes les larmes du monde. On dirait que je tombe sur cette phrase-là. Hein. Je devrais verser toutes les larmes du monde. Toutes les larmes du monde. Ouais, arrête donc, c'est pas grave. J'ai connu une fille qui m'a dit « Gaspille pas ta vie comme tu le fais. » Moi, je me cherche un homme, un sacré bonhomme, pour filer l'amour parfait. Ben, hey, ouais, c'est moi ça! Je ne verse plus toutes les larmes du monde, car elle chante ma chanson. Je ne verse plus... Oh, Sam, merci beaucoup, c'est vrai. Grâce à elle, la belle Sonia, la belle Maryse, la belle Chloé, la belle Nathalie, la belle Sophie, la belle Karine, la belle Nadine, la belle Sandrine, la belle Belle. Belle, c'est un nom, une tourterelle, que je sauterai même sans elle. Sans planer sur les nuées, c'est une chanson qui se donne, c'est un mot que l'on fredonne, jamais sans elle. Je ne verse plus toutes les larmes du monde, car elle chante ma chanson. Je ne verse plus toutes les larmes du monde, car elle chante ma chanson. Je ne verse plus toutes les larmes du monde, car elle chante ma chanson. Je ne verse plus toutes les larmes du monde, car elle chante ma... Et les gens s'imaginent que t'es en train de régurgiter ton 8 heures. Ben, moi, c'est aux 4 heures. Oh, toi aussi? Ben, c'est, je ne m'ostente jamais passé. Okay, oui, mais moi, c'est assez, là, les cétacés, je me dis, c'est fini, les cétacés. Arrêtez-moi ça, on ne veut plus rien savoir. Oh, est-ce qu'on peut dire qu'avant de partir, il faut mentionner que c'est une chanson de Jean Lapointe, et la chanson était « En jouant aux dames ». En jouant aux dames, on perd ou on gagne. À moi, madame, je l'ai perdu. Je ne verse plus toutes les larmes du monde. Car elle chante ma chanson. C'est merveilleux, quel artiste! On l'applaudit, on l'applaudit. Arr, arr, arr. Hey, Brigitte Bardot va arriver. Arr, arr. Un fuck, fuck les fuck. Arr, arr. Crée-moi pas, quelque part en Alaska, y a un fuck qui s'ennuie. Aujourd'hui, c'est l'errance rénaldienne. Êtes-vous heureux? Êtes-vous aussi peureux? Ah, moi, j'ai peur de tout, man. J'ai peur de tout, j'ai peur de rien. J'ai peur de rencontrer ce chemin, de fredonner ce refrain et de m'étendre sur ce lin. Le lin, le lin, le lin, le lin, le lin, le lin, le lin, le lin, le lin, le lin, le lin, le lin. Le lin de qui? Le lin de Sophie. Oh, le lin, le rein, non, le lin. Sur le lin, il y a des reins. Oh, mon Dieu. Je vais et je viens sur ce lin et tu me rejoins. Non, c'est pas... Sens-tu le succès? Attendez. Enlève l'inscription. Non, je sens le lin. Tu sens le lin. Oh, mon Dieu. Jacques Higelin sent-il le lin? Remets la petite capote sur le petit micro. Capote sur le micro. Il capote le micro. Non, c'est pas toi. C'est pas le micro qui capote, c'est toi. Oh. M'excuse infiniment auprès de tous mes psychiatres qui ont tenté tant de fois de me révéler au grand jour et de me dire que je suis normal. Je m'excuse aussi auprès de tous les psychologues qui ont tenté toutes les recettes et les recherches approfondies pour me rendre tout à fait normal. Et je m'excuse également au vrai. Hey, monsieur, qu'est-ce que c'est? C'est dans le bilo. Oh! C'est la petite rouge avant, hein? C'est la pilule bleue. C'est la pilule bleue. La pilule bleue. Oh! La pilule qui fait mouiller. Sophistiqué! Monsieur le Président, monsieur n'est pas trop catholique, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. Vous écoutez quoi? Je sais pas, j'écoute avec mes oreilles. Oh oui. Merci de spécifier avec quoi vous écoutez. Mais vous écoutez quelle émission? L'émission... Hé, hey, Jean-Marc, quelle émission on écoute? Hé, hey, passes-tu? Je me passe là-dessus. C'est ton émission de malade, ça, là. Ça doit être Réginald Grenier. Non, on t'appelle pas Réginald Grenier. C'est celui qui est bizarre, là, hein? Celui qui fait peur, là, hein? Celui qui est étrange, là, hein? Celui qui... Réginald Grenier! Réginald Grenier! Oui, oui. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne. Est-ce que je peux m'éponger l'écume? Éponge-toi l'écume, mon petit numéro 1. Merci beaucoup. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne. Tu viens de purgiter ça par toute ta console de 250 000 piastres qui a appartenu à Michael Bratsprat. C'est pas Michael Bratsprat, c'est Michael Jackson. Est-ce que c'est là-dessus qu'il a fait de la bite, là? La bite, c'est pas la bite à Tibi, ça, c'est de Raoul Boguet, là, mais c'est pas Boguet, c'est Duguay, O-B-O-K-O-L-O-K-O-L-O-K-O-L-O-K. Hey, ça serait bien de la faire jouer à un moment donné, hein? Moi, j'ai de la bite à Tibi, moi, j'ai de la bite à Tibi, moi, j'ai d'un K-E-P-I-I-I. Ben, tu viens d'où? Je viens de pays. De qui? Je viens de pays qui est grand et fort. J'aime pas ça quand toi, tu bats du fort. Comment? J'aime pas ça quand toi tu bois du fort. J'ai cherché partout un cours aussi doux, mais je n'en ai point trouvé. Les filles sont belles, mais je m'ennuie d'elles. Je ne peux pas l'oublier. Ouais, OK. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, votre Rénal Gagné. C'est Rénal! Oui. C'est Rénal Gagné! Oui. Appelez la police! Y a-t-il le numéro de la police? La police! Est-ce que ça va bien? Ça va pas bien, monsieur! Mais est-ce que je suis à l'urgence santé? Est-ce que ça va bien? Non, ça va pas, madame! Est-ce que je suis à urgence santé? Est-ce que ça va bien? Non, mais... ça va pas très bien. Rénal Gagné, R-E-Y, N-O-L-I, O-G-N-E, il est à la radio. 405, 3e avenue, allez l'arrêter. Amenez du renfort, des attaches, attachez-le, mettez des briques, mettez-le sous l'eau. C'est un malade. Est-ce que ça va bien? Non! Aujourd'hui, le samedi 15 octobre... vendredi. Passe pas trop vite. Non. Je ne passe pas mon chemin. Nous y arriverons bien. Sans passer son chemin. Sans se passer de son chemin. Et si on se... Un jour dans notre vie... Et ça, il y en a quelques-uns. Hein, les rock and roll, les individus qui ne veulent plus suivre leur sillon traditionnel, mais emprunter un autre sentier, à leur risque et péril, jusqu'au point suprême de laisser sa vie sur le chemin et vivre des expériences peut-être un peu trop rocambolesques pour certaines personnes. Et ça, ça fait des beaux films. Je vous conseille Hôtel Select. J'ai passé à un cheveu, et là, ce que je vous dis, un cheveu, c'est pas vraiment un poil, là, c'est un cheveu, de rencontrer le réalisateur l'été dernier. Mais en 2011, j'y travaille fort. S'il s'en va en Honolulu, je vais le suivre en Honolulu. S'il va au Népal, je vais aller le suivre au Népal. S'il s'en va en Éthiopie, ben, il ira en Éthiopie. Moi, là, penses-tu, moi, si j'ai pas ma ration de patates frites, ma grosse frite. Viens-t'en, ma grosse frite. Ah, oh, merci de m'appeler de même. Tellement peureux. Arrête d'être peureux. Je suis peureux. J'ai une peureuse. Mais enferme-la. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Est-ce que je peux regarder partout si tout fonctionne bien? Oui, OK. Non, mais c'est vrai. Des fois, je jette un regard sur la caméra. Fonctionne-t-elle? Oui. Sur le magnéto, fonctionne-t-il? Oui. Le clavier, est-il arrêté? Oui. Le magnéto, pas juste le magnéto, mais le chrono. Est-ce que le chrono chronomètre? Sa mission à ce chrono-là, c'est de... Quelle est sa grande vertu? De ben du chrono. De chronométrer. Oh, OK. Et le piano? De pianoter. Et la rhubarbe? D'enrubaner. Non, la rhubarbe. De se nourrir à son... À sa tige? Mon père va... Voyons donc, c'est comme une... C'est un céleri. Une carotte. Qu'est-ce qui est en long, donc? En long. Qu'est-ce qui est en long? Oh, mon Dieu. Qui est dur. Oh, c'est là. Qui est long, qui est dur. Le concombre. Eh, bravo. C'est comme le concombre. Quelle heure, là? Il est minuit 15. Oh, je peux aller me coucher, là. Madame Tremblay, pouvez-vous prendre ma relève? Parce que j'ai déjà là, prendre une relève, j'ai de la misère à me relever. On dirait un jeune musicien qui tente de faire partie du répertoire de la... comment t'appelles ça? Ben, la relève. La relève. Oh, c'est... Si t'es pas capable toi-même de te maintenir droit, comment tu veux faire partie de la relève? Pardonnez-moi. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises, on l'a dit. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour. Autour. Tout le monde autour, s'il vous plaît. De la fille, tout attachée. Mais surtout pour la dernière fois, nous allons l'entendre. Alors, est-ce qu'on peut pleurer? Avons-nous 30 secondes, là? 30 précieuses secondes pour vivre un deuil intense à Errance Renaldienne? Ben oui, tu peux. Est-ce que tu te sens à l'aise avec ça? Je me sens très à l'aise. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Non. Ben là, qu'est-ce qu'on fait actuellement? On divulgue des secrets. Bon, OK. Vous, ça va bien? Moi, ça va très bien. Hey, je peux-tu dire que Rachel, hier, a perdu une dent? Non, tu peux pas le dire parce que ça intéresse personne. Ben, toi, ça t'intéresse pas. Oui, mais pas là. Quand ça va t'intéresser? Après l'émission. Oh, mais tu sais, Rachel, elle dit Renald. C'est normal, elle a 22 ans. Ben oui, mais elle t'aime beaucoup. Je le sais, elle a 22 ans. Elle veut t'embrasser. Elle a 22 ans. Elle veut te toucher partout. C'est normal, elle a 22 ans. Alors, donc oui, alors autour de... Excusez-moi, j'ai été un peu bousculé par la dame. Je suis pas la dame, moi, je suis la fille de la jeune fille. De 22 ans. Alors, donc, Anne-Sophie Charon. Anne-Sophie, ce fut un plaisir pour moi en 2010 de te rencontrer. Et nous repartirons, nous rejoindrons tout le circuit narratif que l'on a eu cet été, l'été prochain. Elle a rien compris. C'est qui fonctionne très bien? 22 ans. Oui, OK. Alors, qu'est-ce que tu veux lui dire? Anne-Sophie Charon, c'est la dernière. Donc, on va pleurer. On a 30 secondes, s'il vous plaît, pour pleurer. Ben oui. Pourquoi? 22 ans. OK, mais à part de ça? 22 ans. OK, hey, c'est merveilleux. Alors, on va pleurer tout ensemble pendant 30 secondes. C'est long, 30 secondes à la radio, là. Mais c'est toi qui l'as dit. OK, on va... Mais déjà, le prélude aux pleurs, OK? On commence maintenant. Hey, Anne-Sophie Charon, c'était merveilleux, hein? Je me rappelle que c'était très chaud à Paris, l'été 2010. C'est au mois de juillet. Le soleil rayonnait. Les éboueurs enlevaient les ordures. Ils voulaient m'embarquer dans la... Ils voulaient m'embarquer. Il est en train avec elle. Sophie, est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Et maintenant, enrobons-nous ce vendredi. Ça ira très bien, je vous le jure. Enfin, je me le souhaite. Et puis, alors, place à l'émotion, place aux mots. L'émotion est déjà partie. Place au lyrisme renaldien. Bref, place à l'envoûtement. Et surtout, bonne émission. Hey. Tu pleurais vraiment? Ben oui, c'est des larmes. C'est pas des larmes de métal. Là, c'est sorti. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance renaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance renaldienne se dessine. crois que les gens n'aiment pas le son. Même le son de leur propre voix, ils ne l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus... Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit « soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires ». Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que... Non, je suis ailleurs. C'est bien. Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rêve. Est-ce qu'ils partent avec moi? On est ailleurs, on oublie tout. Et on nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait, c'est de la survie le rire. La musique. Et les amis, et rigoler, quand on peut, il faut rigoler, faut rire. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Un tonnerre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui télécharge mes émissions? La Gestapo, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états? Ah, oh, c'est pas. Est-ce que ça va bien? Mais ça va très bien, et vous, madame? Est-ce que ça va bien? Oui. Mais premièrement, on sait. Ce qui est curieux là-dedans, c'est qu'on sait pas le sexe. Quel est votre sexe, ma sexualité? Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Mais vous êtes ambiguëse. Est-ce normal? Nous cherchons. Est-ce que vous. On a ici des individus qui sont spécialistes dans la recherche auditive. Pouvez-vous nous dire... On revient dans quelques secondes. Pouvez-vous nous dire si c'est une fille, un homme, un androgyne, un malade sexuel, une fille que vous avez rencontrée? Hein? Moi, c'est Rénal Gagné. Est-ce que vous pouvez donner le courriel, ici? Oh, OK. Nous sommes en onde, oui. Alors, est-ce que ça va bien? Ça va très bien, madame. Est-ce que... monsieur, on ne sait pas! Pouvez-vous faire des recherches? On va les laisser parler. On aimerait en savoir davantage sur vous. Vous êtes... vous écoutez l'émission depuis combien de temps? Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Oui. Moi, ça peut pas aller plus bien que ça. Savez-vous? Ouais, on continue. Pourriez-vous nous chanter une petite chanson, ma chère personne qui est au bout? Est-ce que ça va bien? Ça va bien, voilà. Ça va bien. Quand il y a des camemberts, quand il y a des femmes en l'air, ça va bien. Je veux dire, les femmes en l'air juridique, tout à fait. Égalitaire, là, pas en l'air, là, comme une poupée gonflée à l'hélium, là, à l'égalité, fraternité à l'égalité, humanité, ok, tout le monde ensemble, fait qualité, égalité, mais qualité, c'est qualité, bon, toutes ces qualités-là font que l'être humain est okay, qui égalisait. C'est comme un égalisateur, comme un pourtant quand c'est beau, une belle asphalte. Qu'est-ce qui est arrivé sur cet asphalte? Mais moi, je vais passer le marteau crinqueur. C'est pas le marteau crinqueur, c'est le gyrophare qui écrase. Ben j'ai passé le gyrophare qui écrase. Et puis tout le monde est sur le même pied, hein? Oui. Alors sur quel pied danser? Ben si j'examine les miens, hein? Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ben, des souliers d'hommes, des souliers de femmes, tout est égalitaire là-dedans. Il y a choix, aucun compromis. Les lacets sont les mêmes. Bon, peut-être que nous collaborons plus vers le noir, le brun, le marron si vous préférez, le bleu, le brun, le noir, la femme, la fille, la demoiselle. Ben, c'est le rose. Le blanc, ben nous, le blanc rapidement devient gris, devient brun et devient noir. Mais la fille, le lacet blanc reste blanc jusqu'à la fin de ses jours. Elle ne dérogera pas de là-dessus. C'était blanc à l'origine. Ben oui, mais là, écoute, avec le temps, ça reste blanc. Ben, Léo Ferré chantait « Avec le temps ». Avec le temps, tout s'en va, même nos plus chouettes souvenirs restent dans cette blancheur. T'as-tu vu, même Léo Ferré le disait? Léo Ferré, le plus misogyne des chanteurs francophones! Oui, mais fâchez-vous pas, vous. Mais, lâchez-moi le blanc, ça reste blanc! Bon, ok, ça vous fait du bien? Ça me fait, oh, mais moi, c'est, garde, j'ai la gorlotte qui grelotte. Je vois ça. Comment ça? Ben, c'est tout à fait illégal, hein. Vous savez, dans le jeu de l'improvisation, quand la gorlotte vous glotte, ça veut dire que vous cherchez vos mots. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Ben, mais je viens de vous le dire, je cherche mes mots. Lesquels? Ben, les mots. Le Z, ça donne 3 points. Le X, ça donne 4 points. Et le W, le M à l'envers. Le M à l'envers, pour moi, c'est le W. Mais c'est ça. Mais, avez-vous un W? Non, mais j'ai un M. Mais là, l'envers! C'est triché. Triché, c'est pas piqué. Mais le blanc, dans mon cas, les lacets blancs. Oui. Les lacets, vous aimez le blanc? Bouf. Parce que le blanc, ça salit, hein. Ben, c'est ça. Le blanc, ça doit rester. Vas-tu me lâcher avec le blanc, toi? C'était un zoo avec moi. Tu peux pas comprendre, moi, je suis une femme. Et les femmes, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Alors, voyons donc, ça va bien? Non, ça va pas très bien. Est-ce que ça va bien? Non, ça va pas très bien. Mon mari, je dis que le... Mais mon mari, c'est pas mon mari, c'est la chose, là. Voyons donc, je suis pas ta chose. Ben oui, t'es ma chose. Oh, t'aimes ça quand je dis ça? Ben, j'aime ça. Ok, je suis ta chose. Oh, merci. Ta vraie chose. Oh, ta grosse chose. Oh, ton affaire. Oh, ton monstre. Oh, j'aime ça. Alors, le blanc? Ben, le blanc, ça reste blanc, hein? Ça reste blanc. Oui, c'est vrai. Mais ça peut changer. Ben, pas vraiment, ça peut pas changer. OK, ça changera jamais! Hey, on est en train de faire une chicane ici en direct, là. Là, ici, maintenant, excusez-nous, on va arrêter. On peut-tu mettre une chanson? Il y a quelque chose, ça balance pas. L'émission va s'arrêter ici, c'était la dernière. T'es-tu malade? Le blanc, c'est le blanc. Mais là, où c'est le blanc? Mais oui, mais c'est toi qui as dit que le blanc. Mais non, c'est une blague. Une blague? Tu riais pas, tu pleurais tout à l'heure. Mais non, c'est toi qui pleures. Mais non, c'est moi, tu dors, tu pleures. T'es un malade. Là, ici et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui. Écoutez-moi. Mais on fait ça depuis tantôt. Écoutez-moi, non. J'écoute mon émission le jeudi à mon travail. Et lorsque je m'entends, je ris. Moi, je me trouve drôle, là. Actuellement, là, lorsque je m'entends, on est jeudi, je me bidonne. Là, il y a des clients qui sont là, qui écoutent devant la valideuse, parce que je place ça devant la valideuse d'une loterie bien québécoise. Et ça diffuse, mais à un très bas niveau sonore. Mais ça diffuse. Et là, les gens sont là. Mais... Ouais, c'est bizarre, hein? Et moi, je suis fier de dire, mais c'est mon émission, ça, monsieur! Madame, c'est mon émission! Hey, écoutez! Là, je donne ma carte, puis écoutez ça, il reste encore 20 minutes, une demi-heure, une heure, les deux heures. Hey, ça se finit à 2h05, 2h10. Je fais de la publicité, là, puis... Là, ici et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Hey, sais-tu monter? T'as arrêté raide? Oh, j'arrête tout le temps raide. C'est ce qui déplaît à ma copine. ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Ouvrons-lui un petit coin de bar, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Mais ça sera pas compliqué parce qu'il me reste une feuille, il va falloir que j'en fasse là cette semaine. Je suis passablement important, puis non, pas important, mais je suis... Ah, arrête donc, t'es rien, je ne suis rien, je suis que poussière, oui. Tu es né poussière et tu retembleras dans des bras... Comment? Je suis né poussière et je tomberai dans une brassière. Mais c'est pas ça, là. Je suis poussière et je resterai poussière. Oh, toute ta vie? Toute ma vie, moi. Le vent va m'emporter, ouais. Pourquoi tu parles comme ça, croche? Ben, je suis comme un peu plié, moi. Un peu plié, l'arbre. Ouais, mais le micro est là, alors faut pas parler. Ouais, mais ça fait, oui, c'est vrai. Il sait pas faire de la radio, lui. Le titre, est-ce qu'il faut dire le titre avant... Première phrase, il faut dire la phrase avant le titre. Première phrase du début d'une nouvelle de mon ami Charles Bukowski. Ça se peut qu'on vous dira jamais le titre, ça dépend. Là. Quand il part, lui, là, il se retient plus. C'est comme ses intestins. Gay, lâche les intestins, là! OK. Hier, c'était un vendredi noir. Hey, c'est vendredi! Aujourd'hui, c'est vendredi! C'est réaliste! J'espère que ça va être bon, cette improvisation-là. Moi aussi, j'espère. On se croise la bebelle. On se croise la bebelle. Hier, c'était un vendredi noir de pluie. Et je me répétais, reste sobre, mec. Ne t'écoute pas. Oh! Hey, est-ce que tu peux la répéter? Je la répète. Peux-tu la répéter? Je la répète. Peux-tu la... Je la répète. Hier, c'était un vendredi noir de pluie. Et je me répétais, reste sobre, mec. Ne t'écoute pas. Ne t'écoute pas. Reste près de moi et dis-moi que je suis, que je suis, que je suis, que je suis, que je suis. Tu es pas tant que ça, toi. Hey, là, arrête, j'ai les papilles qui scintillent, puis j'ai la lèvre qui est épaissie, puis j'ai la bouche qui veut s'enivrer, puis j'ai les regards qui veut regarder, puis j'ai la tête qui veut s'emparer de cette petite invasion de mon débit. Qu'est-ce que tu dis? Ben, ça va pas très bien. Bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? C'est pas ce que je veux, c'est ce que... Qu'est-ce que ça fait? Je vois ça. Oh, oui. Alors, à part ça? Ben, à part ça, tout va bien. Les enfants vont bien. Rita, là, elle veut avoir un deuxième enfant. Ouais, mais elle a... Excuse-moi, là. Oui. Ben, elle a même pas d'enfant. Ben oui, mais elle en veut un deuxième. Mais avant de faire un deuxième enfant, peut-être en faire un premier, là. Mais non! Hey, tu comprends pas. Son chat, c'est un enfant. Hey, monsieur. Elle aussi, elle prend son animal pour un enfant. Ben oui, elle dit, « Hey, attends, maman va revenir, elle flatte. » Puis, oui, elle a un enfant poilu. Très poilu. Qu'est-ce qu'il dit, son enfant? Il fait, « Rouin! » Et il a quel âge? Il a 3 ans. Puis là, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'à 10 ans, elle dit, « Bonjour, maman! » Mais il pourra pas dire ça, lui. Comment ça? Ben, c'est un chat. Mais un chat, ça peut parler. Regarde-moi ça. Votre chat parle, vous? Mais non, mais ma... Oh! Je sais pas si on peut en discuter. Minuit 36, 38, 36. Mais j'ai vu un film là-dessus, moi. Le chat qui parle. Oh non, c'est pas ça, là. Non. C'est un film X. X. X. Pardon? C'est un film X. X. X. Je pense que la cassette s'arrête à... Ça fait X, X, X 3 fois. Ben, c'est ça. Vous dites que c'est un film XXX. Ben voilà, ben c'est ça, c'est XXX. Comment? C'est XXX. Bon, ben vous... pas ça que vous avez dit. Hey, là, chez moi, la boutade. Là, c'est la moutarde. La moutarde me monte au premier, moi. Lorsque la moutarde me lâchera au premier puis descendra au sous-sol, je serai une femme heureuse. Vous êtes une femme? Je suis une femme. Bon, OK. J'ai pas dit XX, je sais pas quoi, j'ai dit XXX. Ah oui, XXX. Hey, de chip, non! Triple X! Oh, pan. Oh, vous parlez dans le porno. C'est porno. C'est très porno, là. C'est XXXXX. Hey, avez-vous quelque chose à boire? Oui, j'ai de la limonade. Oh, mon Dieu. Aromatisé. À quoi? Moi, je cherche. Qu'est-ce que vous cherchez? Excusez-moi. Je suis en plein délire. Ben, c'est normal. Très normal. Très, très normal. Limonade orange. Oh, non. Limonade pamplemousse? Oh non. Limonade citron? Oh non. Auriez-vous oui. Auriez-vous peut-être limonade whisky? Pardon? Limonade whisky? Whisky. Mais j'ai mon chien qui s'appelait Whisky, il est mort la semaine dernière. Regardez ces cendres, elles sont là sur le pavé qui scintillent de tous ces voix. J'ai voulu le placer dans un petit bocal, j'en parle mon moki. Et j'en ai pas trouvé à sa mesure. Ça fait pas assez beau de petit. Non, c'est pas ça. C'est avez-vous de la boisson? La boisson. Ben j'ai des bois. J'ai un beau bois. C'est très boisé en arrière. Hein? J'ai planté des petacs. Puis aussi après ça, ben des fruits, hein, des fraises. De la tomate, c'est un fruit ou un légume, une tomate? C'est pas ça, je te demande. T'as-tu quelque chose à voir? Oui, j'ai de la limonade. Oui. Quelque chose avec avec quoi? Avec ben j'ai de l'eau. Oh non, mais quelque chose qui pourrait fring. Et monsieur, ça sonne, je crois. Fring. Oui, allô, monsieur Tremblay? Oui! Je pense qu'on a ici un patient très impatient. Qu'est-ce qu'il veut? Il aimerait savoir de la boisson. Qu'est-ce que tu veux? Il aimerait savoir de la boisson. Je comprends pas. Il est à côté de moi, il va m'entendre si je le dis. OK. Si j'entends bien... T'entends? Vous entendez pas. OK, il aimerait ça. Avoir de la boisson. Oh, mais là, on sait pas, là. On peut en avoir, mais pas à cette heure-ci. Demain. Pas demain. Oh, non. Jamais. Oh, c'est pas vrai. C'est vrai. Hey, l'émission s'arrête ici parce que je veux vous dire le titre, ça valait la peine. Le titre de la nouvelle de mon ami Charles Bukowski. Qu'est-ce que t'as fait tout à l'heure? Ben, pendant l'intro de 15 secondes, oui. Je me disais, est-ce que j'ouvre la pitoune ou je ferme la pitoune? Et tu t'es dit, j'ouvre la pitoune, j'avance, ouais, j'ouvre la pitoune. Le titre de la nouvelle de mon ami Charles Bukowski, c'est « Il pleut des femmes ». Il pleut des femmes dans le vent du soir, noyant... Et moi, je vois Michel Louvain, l'homme à femme, l'homme qui aime les femmes. Oh, pour les femmes. Paris c'est rock'n'roll, ça ressemble pas à de gold. Paris c'est comme New York, ça swing et puis ça rate. Paris, rock'n'roll, New York, rock. On s'est fait monter, à me mettre sur mes pieds. J'ai demandé ce qu'elle faisait, moi dit qu'elle se promenait. Paris c'est rock'n'roll, ça ressemble pas à de gold. Paris c'est comme New York, ça swing et puis ça rate. Paris, rock and roll in New York, rock. Alors dans son salon, j'ai vu le système de son. Quand t'as fait jouer, je l'ai, j'ai fait rouler un autre joint. Paris c'est rock and roll, ça ressemble pas à de gold. Paris c'est comme New York, ça soigne puis ça rock. Paris, rock and roll in New York, rock. J'ai vu du Beaujolais. Quand à niveau parlait, j'ai poigné un bouclet. Paris c'est rock and roll, ça ressemble pas à de gold. Paris c'est comme New York, ça soigne puis ça rend. Paris, rock and roll, New York, rock. We'll be right back. venus s'y manger, dit des mots cochons. Quand à nous vacillus, on était flambant nus. Paris, c'est rock'n'roll, ça ressemble pas à de Gaulle. Paris, c'est comme New York, ça soignait puis ça rock. Paris, rock'n'roll de New York, rock. Et dans le même matin, j'avais bu tout son vin. J'ai demandé son prénom, on a dit que c'était Gaston. Ça ressemble pas à de Gaulle. Paris, c'est comme New York, ça soigne et puis ça rock. Paris, rock'n'roll, New York, rock. M'a donné son portrait, tout nu en bas de nylon. J'ai dit que j'en parlerai dans une de mes chansons. Paris, c'est rock'n'roll, ça ressemble pas à de Gaulle. Paris, c'est comme New York, ça soigne et puis ça rock. Paris, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on te nomme par ton nom ou par ton nom d'artiste ou Oh, comme tu veux. Franchement, les gens qui m'appellent Anne-Sophie, ça me dérange pas du tout. Au contraire, là, je suis pas sur scène, mais je suis quand même la fille. As-tu des films en vue? As-tu des scénarios? As-tu quelque chose de ce côté-là? Non, oui, il y a des gens qui commencent à pointer un peu leur nez. Leur, mais pour l'instant, j'ai, voilà, je suis encore vraiment quelqu'un d'inconnu. Mais toi, ce qui te plairait, c'est une comédie musicale? Non. Ah, oh! Starmania 2012, non? Non, si tu veux, je trouve que... Alors après, il y a enfin, les comédies musicales américaines, ça n'a rien à voir avec les comédies ouais. musicales françaises. Bah, Starmania, c'est... Oui, Starmania, c'était bien. Mais je crois que j'ai vraiment envie de chanter ce que je suis. Seul. Mais sinon, j'ai beaucoup envie de faire du cinéma aussi, tu vois, mais pas vraiment forcément les deux. La comédie musicale, ça me semble pas assez rock'n'roll. Mais au cinéma, toi, tu es aussi comédienne, mais tu fais la doublure de quelqu'un pour la lumière, c'est ça? Oui, je l'ai fait ça sur Messine. Mais comment t'appelles ça, ce métier-là? Doublure lumière. Doublure lumière, c'est-à-dire que tu es de la même grandeur que l'actrice. Voilà, avec la même couleur de cheveux, le même grain de peau. Même grain de peau? Bah, oui, par exemple, ils vont pas prendre une personne... Si la comédienne est blanche de peau, ils vont pas prendre une basanée, tu vois. OK. Alors, toi, si tu es dans un catalogue avec... Non, pas du tout. non, pas du tout. Mais effectivement, c'est des directeurs de casting, tu vois, qui, à un moment, on leur demande... sur Messrine, c'est ce qui s'est passé. C'est un directeur de casting que je connaissais. Il cherchait une doublure pour Ludivine Sagnier, qui était brune dans le film. Donc il y a ma taille et ma corpulence et c'était le chef-op américain qui choisissait parmi plusieurs propositions du directeur de casting. Mais c'est pas un métier, mais c'est un métier. C'est difficile. Pas vraiment un métier. Mais c'est difficile. Non. KRL, cultive tes goûts. de choses avec mon ami Lucien Francœur. Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit mon ne fait pas de façon. Pas de façon. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Pour la salsa des pomodores. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Comme la salsa des pomodores. Y'a moi ta femme, y'a moi ta femme. Comme la salsa des pomodores. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Comme la salsa des pomodores. Y'a Mustapha, y'a Mustapha. Anna Barreva, y'a Mustapha. Ça va se lier la carré. Que la Europa est dîné chez Maxi. Oh, chez Maxi, chérie, je t'adore. Chose avec mon ami Lucien Francœur, Paddy Rock'n'Roll, Anne-Sophie Charon en entretien en juillet 2010 et Lalo Schifrin and John Davis avec Waco Time et Los Calios Mustafa. Hey, il dit bien ça, lui. Mustapha. Mustapha, lui, oui, je t'adore. Ah oui, Talisi, Karim Diro. Ah, Mustafi, moi, oui, je t'adore. Ah, Mustafi, moi, les deux, oui, t'adore, les oui, t'adore, les oui, t'adore, les oui, t'adore, les oui, t'adore, les oui, t'adore, les oui, t'adore. Ma, oui, là, les oui, t'adore. Ah oui, t'adore, hein? Hein, après des choses, année, ça reste des restes. Non, mais, ça reste mal. Cette semaine, et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, il y a une petite engueulade, là, entre musiciens, mixeurs et autres gabarits du spectacle. Non gabarit! Oh, j'ai déchiré mon jeans cette semaine et ce, jusqu'à épuisement du concept. J'ai déchiré mon jeans. Ex-fin du 60s, petite pépitole. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-16, où sont les années folles? Où sont devenues toutes tes idoles? Qui avait des jeans qui faisaient... Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, on va nous actionner, Mme Tremblay. Avez-vous de l'argent? Ben, de l'argent, de l'argent. Tu fonctionnes toujours à l'argent. Non, non, non, non, non. Nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, fouchure, firchure, farchure, franchrenerichine, anamarenerichine. Fissure, embouchure, angle, afin de l'exclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Plaçons en garde à vue le mot ou le verbe argotique. Argotique! Léo Ferré disait de l'argotique que c'était... Que c'était quoi, donc? Que c'était... Que c'était de l'argotique. Ben non! C'est que c'était de l'art gothique. Oh! Hé, là, ça change un peu la perception! T'as mal à la tête, mon petit tribunaire! Moi, j'ai très mal à la tête. Comment tu t'appelles, tribunaire? T'as mal à la tête, tribunaire? J'ai mal à la tête. Parce que, ben, parce que t'as dit art gothique. Art gothique. Oh! Alors là, nous avons ici le philosophe Aramenstein Amoning. Monsieur Aramenstein Amoning, que croyez-vous percevoir dans ce terme? Art gothique. Art gothique. Art épanouissement. Cherche absolu. Cherche travail. Épanouissement. Quelque chose de hors commun. Quelque chose qui exalte. Quelque chose d'étrange. Quelque chose d'ailleurs. Je vois dans art gothique l'art et le gothique. Gothique sombre, art, épanouissement. Gothique, quelque chose, mort, art, naissance. Interception entre deux stratosphères qui s'unissent à un moment donné. Ce moment donné dans art gothique et art et gothique. Monsieur, vous êtes philosophe. Moi, j'ai fait une recherche sur Emmanuel Kant. Et qui? Emmanuel Kant. On comprend pas. Emmanuel Kant. Mais moi, j'ai pas vraiment de formation, là. Je suis un peu un esservelé de la rue. Emmanuel Kant. Emmanuel qui? Emmanuel... Je connais Emmanuel... Oh, Emmanuel... Oh, Emmanuel... Non, moi, Emmanuel Kant, philosophe très intéressant, qui a élaboré quelque chose de très obscur dans la recherche de la philosophie. Oui, mais c'est pas Emmanuel Antivierge, Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel 3 dimensions. Ah, 3 dimensions? Non, moi, c'est... pardonnez-moi. Non, mais vous êtes... vous cherchez quoi, là? Est-ce que j'ai le romantisme? Non, Emmanuel Kant, philosophe, très grand... philosophe, pas sexualité. Monsieur, premièrement, ça va bien, vous? Ben, Emmanuel Kant. Oui. Philosophe. Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut passer à un autre appel? Je veux dire que à travers tout ça, on voit que Emmanuel Kant est un... pardon? Est un Hongrie, là. Petit... Emmanuel Kant. Philosophe. Chercheur. Well, I said that we should run away and live to fight another day. When I see the devil running free, I'm holding on to you and me. And the sun goes down when he's around. It just set us up to put us down.

CKRL, cultive tes goûts.